Le premier directeur général adjoint de la direction d'opération de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, délégué au Forum de la sécurité, tenu le 11 octobre à Beijing de Chine, affirmé que la disposition de SAT par les États-Unis et la Corée du Sud vise la Russie et la Chine. Par ailleurs, le 12 octobre, lors d'un séminaire, le responsable du Centre de la stratégie d'Asie de l'Institut de l'économie de l'Académie des sciences de Russie a déclaré que la disposition de SAD américains en Corée du Sud entraînera en Asie une nouvelle course aux armements.